gagner 10 000 euros, chérie. On vient de gagner 10 000 euros. Je te la passe, Coé, parce que je te la passe. Cassie. Oui. Ça va, ma belle? C'est Coé à l'appareil. Ta maman, elle a gagné, donc toi aussi, 10 000 euros, ma chérie. Trop cool. Alors, cette journée, pas ouf, hein. T'inquiète, C'est Coé, ça commence maintenant. Le Before. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti. 17h-20h sur Énergie. Bonjour. Quel bonheur de vous retrouver sur Énergie. Bonjour, je m'appelle Coé. De nouveau rendez-vous depuis fin août, tous les jours 17h-20h. On souhaite la bienvenue à tous ceux qui viennent de toutes les autres radios, tous ceux qui se sont un petit peu ennuyés à droite à gauche, qui ont décidé maintenant de s'amuser dans la voiture. On est très content de vous retrouver tous les soirs 17h-20h avec la semaine prochaine plein d'invités. Eddy Depréto sera notre invité mardi. On aura l'artiste lundi pour bien démarrer la semaine, j'adore. Alvaro Soler sera notre invité. On aura nos... Ah, les trois cafés gourmands qui seront nos invités. Oh. Je kiffe ça. Il y aura le 2 octobre Dadju qui sera notre invité. Notez pour venir avec nous dans le public. Kev Adams sera là. Jennifer va venir nous voir dans quelques jours. Et évidemment, de la rigolade au programme, comme tous les jours. Calijane. Évidemment, de l'amusement au volant, bien sûr, sans perte de points, ce qui n'est pas négligeable. C'est vrai, c'est encore le seul truc sur lequel la police ne nous emmerde pas. En arrivant en disant, vous avez rigolé vous? Bon. Bah, vous avez rigolé? Ouais. Moins de points, mettez-vous sur le côté s'il vous plaît. Veuillez couper le moteur, sortez les papiers du véhicule, susdit véhicule inhérent et afférent. Nous allons procéder à la fouille. Voilà. Avec les gants tout de suite, c'est obligatoire, hein, c'est la nouvelle tendance. Bon, j'embrasse tous ceux qui bossent aujourd'hui, qui nous écoutent dans les magasins, au bureau, les policiers qui nous écoutent, bien évidemment. Bien sûr. J'embrasse tout le monde, il y en a beaucoup. Dans l'émission aujourd'hui, nous aurons les sons télé de Mico, je vais être honnête avec vous, un spécial Zizi. Oui, voilà, thématique. Ah, on en parle à la télé, excusez-moi, donc on en parle chez nous. Nous aurons, alors on va faire un petit dossier dans l'heure à ne pas rater, le rap français qui a bien changé. On va faire un parallèle chez les artistes de ce qu'ils chantaient il y a quelques années et de ce qu'ils chantent aujourd'hui. Et vous verrez, on est rentré dans le monde des licornes et des cacas arc-en-ciel. La vie a beaucoup changé. Nous aurons les champions du monde de l'actu dans un instant, la villa des animateurs, avec un beau message de solidarité de tous les animateurs télé qui vivent dans la même maison. Je vous en parlerai dans quelques minutes. Vous êtes peut-être au boulot, vous n'êtes pas parti, et ça tombe bien, il y aura les 8 règles d'or pour faire du sexe au bureau. Ça peut servir. Il y a des règles bien précises, je vous les donnerai tout à l'heure, suivez-les et tout se passera bien. 18h, alors là aujourd'hui on attaque le qui roule. Il faut une famille qui gagnera un gros cadeau si vous jouez tous ensemble. Nous aurons le Coé sans charge, un nouveau truc. Le Coé sans charge, vous voulez dire quelque chose à quelqu'un, un proche, n'osez pas lui dire. Ah. Coco, il s'en charge. Voilà. Pas mal. C'est sympa. Je gère le business. Nous aurons l'appel promo auprès des magasins. Nous aurons tout à l'heure la réponse. Jeff a passé son code de la route ce matin. A-t-il réussi? Je rappelle qu'on a un grand pari. Si jamais Jeff ne l'a pas, il invite à manger tout le public ce soir à partir de 18h. Oui. S'il a son code de la route grâce à un maxdecode.com, c'est toi. C'est moi qui invite. C'est toi qui rack. Il l'a passé ce matin. Les réponses arrivent par mail. Ok. Je ne connais pas. Sur le mail de Stouff. Et nous ne savons rien, ni lui, ni moi. Suivez-nous dès 18h, vous saurez exactement là on ouvrira l'enveloppe. Est-ce que t'es en flip, Coco? Est-ce que t'es en flip là? Non, parce qu'il a encore fait 8 fautes hier, donc je suis assez serein. Bah, je sais pas du tout. C'était comment? Ce matin? Non, il y a 3 jours. Ben oui, ce matin. J'ai trouvé ça, mais je crois que c'est un piège, j'ai trouvé ça plus facile que les. Mais parce que c'est plus facile en vrai. Ben je sais pas, je verrai. J'étais encore 8 fautes hier. Ce que vous dites là ne m'arrange pas. Nous aurons également la possibilité de vous offrir 10 000 euros. 1 000 euros ont été gagnés hier. Vous aussi, vous voulez vous mettre dans la poche en un claquement de doigts ou plutôt en un SMS. 7-10-12 par SMS. Mettez Coé au début du message. Vous nous laissez toutes vos. Rien du tout. Vous envoyez simplement le SMS, il n'y a pas besoin de laisser les coordonnées. Non. Après ils reçoivent un autre SMS qui leur demande les coordonnées. Et tout compris. Voilà. Donc vous envoyez ça 7-10-12, mettez Coé au début du message, laissez-nous un petit je veux gagner les 10 000 euros. On vous sélectionne tout à l'heure. Aujourd'hui, j'ai mis une enveloppe à 500, une à 50, une à 200, une à 100, une à 10 000, une à 2 000. Bim. Il y a un peu de tout. Donc ça va peut-être tomber, mais j'ai avant de la présentation de l'équipe, je vais être honnête avec vous. C'est ce qu'on appelle se taper la honte à l'échelle mondiale. Politique. Puisque tout à l'heure, nous parlerons de Marine Le Pen, qui s'est tapé la honte à l'échelle française, avec une histoire d'examen psychiatrique qu'elle a refusée. Mais là, c'est aux États-Unis. Donald Trump. Ah. Vous savez qu'il a fait l'amour avec une actrice porno? Oui, oui. Eh bien, l'actrice porno a parlé. Elle décrit le pénis de Donald Trump comme plus petit que la moyenne, mais pas trop petit pour autant. Et elle rajoute, son pénis a une tête de champignon énorme. comme un crapaud. C'est pas une blague, hein, ce que je vous dis. Et ensuite, elle a ajouté, j'étais allongé, agacé d'être par un gars avec un pubis de Yeti et un zizi comme le personnage des champignons dans Mario Kart. Vous n'avez pas rêvé. Elle a donc comparé la vie de Donald Trump à un personnage de Mario Kart. J'ai fait la vérification, ouais. C'est Todd. Si vous avez internet, tapez Todd tout de suite sur votre téléphone portable et vous allez voir ce personnage qui est le gros champignon avec les points blancs. Ouais, c'est ça. Il faut mettre des préservatifs, madame. Là. Si. C'est sale. Mais quelle honte! Le mec, il se tape une honte mondiale. Allez, présentation. Lui, c'est notre Hugo Loris. J'ai décidé de faire une équipe de football aujourd'hui. C'est notre Hugo Loris. Il est grand, il est mince. Et il a gardé les gants du Hugo Loris pour réaliser. Et comme Hugo, il a une passion pour l'alcool. Mais lui, il ne conduit pas. C'est Bichette, notre réalisateur. Bonsoir. Salut mon ami. C'est notre Lisa Razzou à nous, c'est-à-dire qu'il est meilleur à la télé qu'au foot. Oh, c'est Miko. Bonsoir. C'est notre coach. Eh oui, elle nous gueule dessus, mais c'est pour notre bien. C'est notre Didier Deschamps, mais avec des dents. C'est Stouff. Ouais. Avec des crocs même. Ah lui, Jeff. Ouais, ouais. Lui, c'est le Diego Maradona. Ouais, ouais. Mais de maintenant, au niveau physique. Il s'endort partout. C'est mon Jeff. Et enfin, pour terminer, c'est notre Ribéry. C'est-à-dire qu'il est bon à ce qu'il fait, mais il prend très beau. C'est Bordas. Continuez d'être avec nous. Je vous expliquerai dans un instant le hashtag de ce soir. On va parler de Momo Challenge. Vous savez, ce personnage qui a peur. Été dangereux pour beaucoup de jeunes. On en parlera ce soir, ce sera le thème. Tu connais, non? Bah oui, je connais. Ouais. Petit biscuit. Moi, je connais aussi. Tout le monde me dit, tu sais, pour ton avenir, on a peur. On voudrait que tu sois un médecin, toi, tu veux être un rappeur. Ma meuf m'a dit, tu m'aimes pas assez, on dirait que tu t'es lassé. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as plus le même regard quand t'as fini de m'embrasser. Je m'endors avec mes coudes, blues, plus personne ne croit au coup de foudre. La voisine est venue me voir pour me dire qu'elle en avait marre de mes... Engueulade avec ma mère, à chaque fois c'est pareil quand je m'énerve. Je tape dans la porte et je casse mes affaires, puis je m'endors et quand je me réveille je regrette. Ah. Tout le monde me parle, tout le monde croit savoir ce que je dois faire de ma vie, ce qu'il y a dans ma tête. Mais j'écoute que moi et je me répète que c'est pas grave. Ce soir tu danses, la nuit porte conseil. Faut pas que tu penses, ne pense plus à rien, rien. T'es comme les autres en fait. Tu m'apportes que des problèmes à l'essor de ma vie. De toute façon je le pensais pas quand je te disais je t'aime. On nous répète qu'avant c'était mieux. On croit en l'amour qu'une semaine sur deux. Le temps passe vite, on est des jeunes vieux. Hier un petit m'a appelé monsieur. Par la fenêtre, j'atteins un signe. Je pense à mon avenir qui doucement se dessine. En attendant je me remets ce vieux son de Biggie. Celui qui fait It was all a dream. Un seul sourire et mille pleurs. On attend la surprise comme les Kinder. Pour éviter de dire les enfants, j'ai rencontré maman sur Tinder. Toutes les questions sans réponse se baladent dans ma tête. La main sur le cœur, des fois j'ai trop peur qu'ils s'arrêtent. Mais j'écoute que moi et je me répète que c'est pas grave. Ce soir tu danses, la nuit porte conseil. Faut pas que tu penses, ne pense plus à rien, rien, rien, rien. Merci d'être avec nous. J'espère que vous passez un bon moment. Le hashtag de ce soir à ne pas rater. Alors comme on est jeudi et que beaucoup d'étudiants font la fête le jeudi, tous les bars sont comblés, oui. Et ça sort pas mal le jeudi. Connu. Le hashtag de ce soir, monsieur Bordas. En soirée, il y a toujours. En soirée, il y a toujours. Et alors là, on y va. Allez, Bichette, t'en as. Il y a toujours un mec qui dort. Ouais, j'en ai un de toi, j'ai des photos de toi. En soirée, il y a toujours ce mec timide qui n'est plus timide une fois qu'il a un peu bu. Ah, moi j'ai déjà vu. Alors, en soirée, il y a toujours. Moi j'ai déjà vu. C'était un animateur radio, un patron de radio, je crois. Que quand il avait bu, au bout de 4 verres, le gars il devenait dépressif d'un coup. Oh. Mais je l'ai vu, on me l'avait raconté, je ne l'avais pas vu. Le gars est là, il fait ouais, parce que tu sais, moi. Ah, je suis une merde. Oh. C'est pas vrai. Et 5 minutes après, je suis une. Et il dormait au milieu de tout le monde. C'est bizarre quand même l'alcool, ça fait des trucs étonnants, non? Oui, ouais, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, on en parlera tout à l'heure. Et je reviendrai donc sur le Momo Challenge 0870-4248. Voilà, si vous savez pas ce que c'est, on prendra le temps de vous l'expliquer. En gros, un numéro de téléphone, beaucoup de gens dans le monde entier ont appelé et c'était soi-disant une espèce de fantôme qui sait tout sur vous et qui vous pousse à faire des défis. Et il y a eu, je crois, dans le monde des suicides avec le Momo Challenge, de jeunes filles qui avaient peur, qui ont cru, qui ont pris ça vraiment au premier degré et qui ont eu peur et qui n'ont pas fait ce qui a été demandé. Donc c'est quelque chose, c'était un gag qui a cartonné dans le monde entier. De mauvais goût, ouais. De mauvais goût, oui non, c'est parce que ça va trop loin. Mais voilà. on en parlera tout à l'heure parce qu'il faut faire attention avec ce genre de choses. Ça reste les réseaux sociaux, il faut y aller doucement. On aura du témoignage, on aura pas mal de gens. J'étais en train d'écouter les morceaux de rap qui ont changé entre avant et maintenant. Ça va être un grand moment. Restez avec nous dans quelques minutes. Mais voici les champions du monde de l'actu. Ah. Le premier champion du monde est un chirurgien d'Amiens, dans le Nord. Ah, hein. Oh, bien ça. Enfin, un gros béco, hein. Genre, tu vois. Il devait opérer un homme pour un problème de genou gauche. Bon, vous vous doutez bien, et il s'est trempé de genou, oh, hein. Non. Oh, il a tapé de l'autre côté, il s'est dit, c'est pas le bon. Bon, vous m'avez pas dit, c'est là. Ah, bah oui, mais c'était pas de mon côté, c'était de l'autre côté. Ah, oui. C'est son genou gauche ou mon genou gauche? Oui, c'est pas la même gauche. Bon, en gros, il recoue, il attaque l'autre genou. Le mec au réveil, il voit deux pansements à chaque genou. Ah. Il vient lui voir et là le médecin dit ouais bon il y a eu un problème, les infirmières vous expliqueront. Et il se barre. Ouais. Et il s'en va et c'est pas fini, le chirurgien a oublié de lui prescrire des soins pour son genou droit, donc le gars. Oh là. Mais voilà, mais encore un coup du syndrome de notre président. Ça, à tous les coups, c'est un horticulteur à qui Macron a dit vas-y traverse la route, trouve du boulot, il a été chirurgien. Ah ouais, mais ça c'est dangereux. Le deuxième champion du monde, ça aurait pu être dramatique, ça s'est à peu près bien fini. Il conduisait un scooter sans permis sur le trottoir, il a percuté une dame avec une poussette. La dame est blessée, le bébé a été blessé aussi, vous en doutez bien. Non. Et au tribunal, dans ces cas-là, vous y allez et vous faites profil bas, vous dites vraiment, voilà. Oui. Et ben, il a estimé devant le juge, il a dit de toute façon, la dame et le bébé n'avaient rien à faire sur le trottoir. Voilà. Bah oui. Jusqu'au bout, quand t'es con, c'est pour la vie, il a pris 4 mois ferme, tiens, vas-y, va jouer avec ton scooter. Bien fait. Mais je pense que le mec, il a dû arriver en prison en disant, les gars, les fenêtres ne devraient pas être fermées. Il ne devrait pas y avoir de barreaux. Laissez ouvrir la cage aux oiseaux. Enfin, c'est quoi ce délire? Champion du monde. C'est un habitant de Huntington, dans l'État de New York, âgé de 45 ans. Il a été arrêté par la police parce qu'il a menacé de mort un jeune joueur de 11 ans qui l'avait battu sur Fortnite. Oula, c'est Mais non. Je vais te 11 ans, 45 ans. C'est ridicule, c'est honteux. Bon, ceci dit, c'est pas agréable de perdre. Hein. Non, bah. Moi-même, il m'est arrivé de menacer, je le cache pas, un gamin de 18 ans qui, heureusement, n'a pas porté plainte contre moi. En plus, c'était mon fils. Donc. Ah ouais, bon, Trivial Pursuit, faut pas me faire chier. Bienvenue sur Énergie. Je suis très mauvais perdant. Oh que oui. Oh là là, ça me saoule. Allez, Maroon 5. 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even, ooh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll that backwood, babe. And let me close. 'Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you. Yeah, yeah.

de Trump. Hein. Oui. Maintenant, c'est Marine Le Pen hein, qui aujourd'hui a eu un souci parce que hein? Marine, non pas Zizi, non, non. Ah, j'ai eu peur. Elle refuse de se soumettre à l'expertise pédiatrique qui lui a été psychiatrique, pardon, qui lui a été demandée par la justice. En gros, elle est mise en examen pour avoir diffusé en 2015 des photos d'exaction d'un groupe djihadiste État islamique sur Twitter. Oui. Elle est attaquée et là, il y a un examen psychiatrique pour vérifier si elle est en mesure de comprendre les propos. C'est quand même. C'est horrible. On parle d'une candidate qui est arrivée en deuxième position. Oui, oui. Hein. C'est ouf. Et de répondre aux questions et si l'infraction reprochée au sujet est en relation avec des éléments factuels ou biographiques de l'intéressé. Déjà, je vous souhaite bon courage pour comprendre la phrase que je viens de dire. Voilà. Et évidemment, elle a dit non. Bah non, elle veut pas. Parce que c'est extrêmement vexant. Ne serait-ce que d'aller faire l'examen. Alors nous, on a un témoignage exclusif bien qui sûr. Vient il y a quelques minutes seulement pour oui, nous. Oui, ça vient de tomber. Hein. Ça vient de tomber de Marine Le Pen qui s'explique. Croyez-moi, je ne suis pas dingue. Ah voilà. C'est crédible. Voilà que tout est dit. Stéphane à Paris, comment ça va, Stéphane? Stéphane, salut Coé. Salut mon ami. Croyez-moi, je ne suis pas dingue. Stéphane, attention, bon mot challenge. On en parle un petit peu là, on en parlera plus après 18h. En deux mots, est-ce que tu l'as fait? Est-ce que quelqu'un de chez toi l'a fait? Je repose ma question. En deux mots, est-ce que quelqu'un de chez toi l'a fait ou est-ce que tu l'as fait? Ah, bah, en fait, mon fils m'en a parlé, puis bah, j'ai voulu voir ce que c'était. Du coup, c'est vraiment c'est la plus grosse connerie de cette année 2018. Quoi. Pourquoi? Bah, parce que c'est quand même quelque chose d'assez dangereux. Ça, on demande de faire des défis un peu débiles. Et puis... Et plus on avance dans le défi, plus on a des défis qui sont stupides et dangereux. Mais qu'est-ce qui t'oblige à les faire? C'est genre quel genre de choses? Et en quoi ça peut être stupide et dangereux? Des choses, ça peut être de la chose, enfin une chose super simple comme, je sais pas moi, enlever sa montre, faire des pompes. Oui mais ça, enlève ta montre et fais des pompes, bon, c'est dangereux. Oui, c'est dangereux. C'est des paliers. Ah, mais on est d'accord que c'est pas ça qui va. Non. C'est inutile. Mais après, plus on avance dans le jeu, plus enfin dans le challenge, plus on nous propose des défis qui sont complètement, excusez-moi du terme, mais complètement connes quoi. Mais quoi? Quoi? Concrètement? Alors, le gars m'a demandé de prendre une corde, de m'attacher la corde autour du cou et de rester suspendu pour voir combien de temps j'allais. Mais non, tu charries. Il y a eu ça? Ah, bah, si. Ouais, mais c'est... Oui, non, mais c'est. Et alors, vous voyez, il y a eu un truc de sénateur il y a pas longtemps qui voulait interdire ça et qui. Et alors ouais. Là, moi, je suis d'accord avec ça. Autant je suis pas pour l'interdiction. On est dans un pays libre. Je pense que les choses elles doivent exister et que les gens doivent être à peu près. On doit leur donner des consignes. Ouais, d'accord. T'es libre. Mais ce genre de choses où les plus jeunes vont s'amuser. Il y a eu une jeune fille hein, qui s'est suicidée là-dessus. Il y en a qui ont été terrorisés. Il y en a qui ont peur. Il y en a qui pensent que c'est un vrai fantôme. Il y en a qui pensent qu'ils vont vraiment mourir. Donc faut faire attention. Quand vous avez notre âge, ah, ça va. Tu te balades avec ça. Tu raccroches ton téléphone. Tu dis allez mon mot dégage. Mais quand vous êtes plus jeune, vous avez 10-12 ans, bah vous pouvez être sensible et vous pouvez croire à ça. Oui, Jeff. Mais comment il sait le moment de challenge que tu as bien fait le défi qu'il t'a donné pour passer au défi d'après? Stéphane, c'est une question. Comment il le sait que tu l'as fait? Alors, merci Stéphane. Non mais comment il sait que tu l'as fait? Bah il le voit sur WhatsApp. Je le montre sur WhatsApp quoi. C'est en vidéo. Quoi? Oui voilà, c'est en vidéo. Bon, on en parlera tout à l'heure, les amis, parce qu'il y a pas mal de parents qui veulent en parler aussi. En gros, c'est le truc à pas du tout essayer. Ah c'est complètement stupide. Oh. Et puis surtout, c'est comme tout, ça touche les plus jeunes. Oui. Et donc, c'est là que ça peut être dangereux. Restez avec nous. Dans un instant, le Zap Zizi, ça n'a aucun rapport avec mon mot. Ce sera le challenge de Miko dans un instant. Ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu à la télé. Restez avec nous. Voici Calvin Harris. To skills that I'm ruined, 'cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air, there ain't no science here, so don't get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so don't get your everything. Tonight. Tonight. Is it loud enough? 'Cause my body is calling.